Section 16 de Mémoire d'Outre-Tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 6, suite. Nous gouvernâmes vers les îles Saint-Pierre et Miquelon, cherchant une nouvelle relâche. Quand nous approchâmes de la première, un matin entre 10 heures et midi, nous étions presque dessus. Ses côtes perçaient en forme de bosse noire à travers la brume. Nous mouillâmes devant la capitale de l'île. Nous ne la voyions pas, mais nous entendions le bruit de la terre. Les passagers se hâtèrent de débarquer. Le supérieur de Saint-Sulpice, continuellement harcelé du mal de mer, était si faible qu'on fut obligé de le porter au rivage. Je pris un logement à part. J'attendis qu'une rafale, arrachant le brouillard, me montra le lieu que j'habitais, et pour ainsi dire le visage de mes hôtes dans ce pays des ombres. Le port et la rade de Saint-Pierre sont placés entre la côte orientale de l'île et un îlot allongé, l'île aux chiens. Le port, surnommé le Barachois, creuse les terres et aboutit à une flaque saumâtre. Des mornes stériles se serrent au noyau de l'île, quelques-uns détachés surplombent le littoral, les autres ont à leurs pieds une lisière de landes tourbeuses et arasées. On aperçoit du bourg le morne de la vigie. La maison du gouverneur fait face à l'embarcadère. L'église, la cure, le magasin aux vivres sont placés au même lieu, puis viennent la demeure du commissaire de la marine et celle du capitaine du port. Ensuite commence le long du rivage sur les galets la seule rue du bourg. Je dînai 2 ou 3 fois chez le gouverneur, officier plein d'obligeance et de politesse. Il cultivait sur un glacis quelques légumes d'Europe. Après le dîner, il me montrait ce qu'il appelait son jardin. Une odeur fine et suave d'héliotrope s'exhalait d'un petit carré de fèves en fleurs. Elle ne nous était point apportée par une brise de la patrie, mais par un vent sauvage de Terre-Neuve, sans relation avec la plante exilée, sans sympathie de réminiscence et de volupté. Dans ce parfum non respiré de la beauté, non épuré dans son sein, non répandu sur ses traces, dans ce parfum changé d'aurore, de culture et de monde, il y avait toutes les mélancolies des regrets, de l'absence et de la jeunesse. Du jardin, nous montions au morne, et nous nous arrêtions au pied du mât de pavillon de la vigie. Le nouveau drapeau français flottait sur notre tête, comme les femmes de Virgile, nous regardions la mer, Flentes. Elle nous séparait de la terre natale. Le gouverneur était inquiet. Il appartenait à l'opinion battue. Il s'ennuyait d'ailleurs dans cette retraite, convenable à un songe creux de mon espèce, rude séjour pour un homme occupé d'affaires ou ne portant point en lui cette passion qui remplit tout et fait disparaître le reste du monde. Mon hôte s'enquérait de la Révolution. Je lui demandais des nouvelles du passage au nord-ouest. Il était à l'avant-garde du désert, mais il ne savait rien des Esquimaux et ne recevait du Canada que des perdrix. Un matin, j'étais allé seul au Cap à l'Aigle pour voir se lever le soleil du côté de la France. Là, une eau hiémale formait une cascade dont le dernier bond atteignait la mer. Je m'assis au ressaut d'une roche, les pieds pendant sur la vague qui déferlait au bas de la falaise. Une jeune marinière parut dans les déclivités supérieures du morne. Elle avait les jambes nues, quoiqu'il fît froid, et marchait parmi la rosée. Ses cheveux noirs passaient en touffe sous le mouchoir des Indes dont sa tête était entortillée. Par-dessus ce mouchoir, elle portait un chapeau de roseau du pays en façon de nef ou de berceau. Un bouquet de bruyères lilas sortait de son sein que modelait l'entoilage blanc de sa chemise. De temps en temps, elle se baissait et cueillait les feuilles d'une plante aromatique qu'on appelle dans l'île thé naturel. D'une main, elle jetait ses feuilles dans un panier qu'elle tenait de l'autre main. Elle m'aperçut. Sans être effrayée, elle se vint asseoir à mon côté, posa son panier près d'elle et se mit comme moi les jambes ballantes sur la mer à regarder le soleil. Nous restâmes quelques minutes sans parler. Enfin, je fus le plus courageux et je dis « Que cueillez-vous là ? La saison des lucèzes et des atokas est passée. » Elle leva de grands yeux noirs, timides et fiers, et me répondit « Je cueillais du thé. » Elle me présenta son panier. « Vous portez ce thé à votre père et à votre mère ?»« Mon père est à la pêche, avec Guillaumi. »« Que faites-vous l'hiver dans l'île ? » ?»« Nous tressons des filets, nous pêchons les étangs, en faisant des trous dans la glace. Le dimanche, nous allons à la messe et aux vêpres, où nous chantons des cantiques. Et puis nous jouons sur la neige, et nous voyons les garçons chasser les ours blancs. Votre père va bientôt revenir ? Oh non, le capitaine mène le navire à Gênes, avec Guillaume. Mais Guillaume reviendra ? Oh oui, à la saison prochaine, au retour des pêcheurs. Il m'apportera dans sa pacotille un corset de soie rayé, un jupon de mousseline et un collier noir. Et vous serez paré pour le vent, la montagne et la mer. Voulez-vous que je vous envoie un corset, un jupon et un collier ? Oh non ! Elle se leva, prit son panier et se précipita par un sentier rapide le long d'une sapinière. Elle chantait d'une voix sonore un cantique d'émission. Tout brûlant d'une ardeur immortelle, c'est vers Dieu que tendent mes désirs. Elle faisait envoler sur sa route de beaux oiseaux appelés aigrettes à cause du panache de leur tête. Elle avait l'air d'être de leur troupe. Arrivée à la mer, elle sauta dans un bateau, déploya la voile et s'assit au gouvernail. On l'eût prise pour la fortune. Elle s'éloigna de moi. Oh oui, oh non, Guillaume, l'image du jeune matelot sur une vergue au milieu des vents changeait en terre de délices l'affreux rocher de Saint-Pierre. L'isolé di Fortuna aura vedete. Nous passâmes 15 jours dans l'île. De ces côtes désolées, on découvre les rivages encore plus désolés de Terre-Neuve. Les mornes à l'intérieur étendent des chaînes divergentes dont la plus élevée se prolonge vers Lanse-Rodrigue. Dans les vallons, la roche granitique, mêlée d'un mica rouge et verdâtre, se rembourre d'un matelas de sphaigne, de lichen et de dicranum. De petits lacs s'alimentent du tribut des ruisseaux de la Vigie, du Courval, du Pain de Sucre, du Kergariou, de la Tête Galante. Ces flaques sont connues sous le nom des étangs du Savoyard, du Cap Noir, du Ravenel, du Colombier, du Cap à l'Aigle. Quand les tourbillons fondent sur ces étangs, ils déchirent les eaux peu profondes, mettant à nu çà et là quelques portions de prairies sous-marines que recouvre subitement le voile retissu de l'onde. La flore de Saint-Pierre est celle de la Laponie et du détroit de Magellan. Le nombre des végétaux diminue en allant vers le pôle. Au Spitzberg, on ne rencontre plus que 40 espèces de phanérogames. En changeant de localité, des races de plantes s'éteignent. Les unes, au nord, habitantes des steppes glacées, deviennent au midi des filles de la montagne. Les autres, nourries dans l'atmosphère tranquille des plus épaisses forêts, viennent, en décroissant de force et de grandeur, expirer aux plages tourmentueuses de l'océan. À Saint-Pierre, le myrtille marécageux, Vaccinium fugilinosum, est réduit à l'état de traînasse. Il sera bientôt enterré dans l'ouate et les bourrelets des mousses qui lui servent d'humus. Plante voyageuse, j'ai pris mes précautions pour disparaître au bord de la mer, mon site natal. La pente des monticules de Saint-Pierre est plaquée de baumiers, d'amélanchiers, de palomiers, de mélèzes, de sapins noirs, dont les bourgeons servent à brasser une bière antiscorbutique. Ces arbres ne dépassent pas la hauteur d'un homme. Le vent océanique les étête, les secoue, les prosterne, à l'instar des fougères. Puis, se glissant sous ces forêts en broussailles, il les relève. Mais il n'y trouve ni tronc, ni rameau, ni voûte, ni écho pour y gémir. Il n'y fait pas plus de bruit que sur une bruyère. Ces bois rachitiques contrastent avec les grands bois de Terre-Neuve, dont on découvre le rivage voisin et dont les sapins portent un lichen argenté, Alectoria tricodes. Les ours blancs semblent avoir accroché leurs poils aux branches de ces arbres, dont ils sont les étranges grimpereaux. Les swamps de cette île de Jacques Cartier offrent des chemins battus par ces ours. On croirait voir les sentiers rustiques des environs d'une bergerie. Toute la nuit retentit des cris des animaux affamés. Le voyageur ne se rassure qu'au bruit non moins triste de la mer. Ces vagues si insociables et si rudes deviennent des compagnes et des amis. La pointe septentrionale de Terre-Neuve arrive à la latitude du cap Charles Ier du Labrador. Quelques degrés plus haut commence le paysage polaire. Si nous en croyons les voyageurs, il est un charme à ces régions. Le soir, le soleil touchant la terre semble rester immobile et remonte ensuite dans le ciel au lieu de descendre sous l'horizon. les monts revêtus de neige, les vallées tapissées de la mousse blanche que broutent les rennes, les mers couvertes de baleines et semées de glaces flottantes, toute cette scène brille, éclairée comme à la fois par les feux du couchant et la lumière de l'aurore. On ne sait si l'on assiste à la création ou à la fin du monde. Un petit oiseau, semblable à celui qui chante la nuit dans nos bois, fait entendre un ramage plaintif. L'amour amène alors l'Esquimau sur le rocher de glace où l'attendait sa compagne. Ces noces de l'homme aux dernières bornes de la terre ne sont ni sans pompe ni sans félicité. Après avoir embarqué des vivres et remplacé l'ancre perdue à Graciosa, nous quittâmes Saint-Pierre. Cinglante au midi, nous atteignîmes la latitude de 38 degrés. Les calmes nous arrêtèrent à une petite distance des côtes du Maryland et de la Virginie. Au ciel brumeux des régions boréales avait succédé le plus beau ciel. Nous ne voyons pas la terre, mais l'odeur des forêts de pins arrivait jusqu'à nous. Les aubes et les aurores, les levées et les couchers du soleil, les crépuscules et les nuits étaient admirables. Je ne me pouvais rassasier de regarder Vénus, dont les rayons semblaient m'envelopper comme jadis les cheveux de ma sylphide. Un soir, je lisais dans la chambre du capitaine. La cloche de la prière sonna. J'allais mêler mes vœux à ceux de mes compagnons. Les officiers occupaient le gaillard d'arrière avec les passagers. L'aumônier, un livre à la main, un peu en avant d'eux, près du gouvernail. Les matelots se pressaient pêle-mêle sur le tillac. Nous nous tenions debout, le visage tourné vers la proue du vaisseau. Toutes les voiles étaient pliées. Le globe du soleil, prêt à se plonger dans les flots, apparaissait entre les cordages du navire, au milieu des espaces sans bornes. On eût dit, par les balancements de la poupe, que l'astre radieux changeait à chaque instant d'horizon. Quand je peignis ce tableau, dont vous pouvez revoir l'ensemble dans le Génie du christianisme, note, Génie du christianisme, première partie, livre 5, chapitre 12, deux perspectives de la nature, fin de note. Mes sentiments religieux s'harmonisaient avec la scène, mais hélas, quand j'y assistais en personne, le vieil homme était vivant en moi. Ce n'était pas Dieu seul que je contemplais sur les flots, dans la magnificence de ses œuvres. Je voyais une femme inconnue et les miracles de son sourire. Les beautés du ciel me semblaient écloses de son souffle. J'aurais vendu l'éternité pour une de ses caresses. Je me figurais qu'elle palpitait derrière ce voile de l'univers, qui la cachait à mes yeux. Oh, que n'était-il en ma puissance de déchirer le rideau pour presser la femme idéalisée contre mon cœur, pour me consumer sur son sein dans cet amour, source de mes inspirations, de mon désespoir et de ma vie, tandis que je me laissais aller à ces mouvements si propres à ma carrière future de coureur des bois. Il ne s'en fallut guère qu'un accident ne mît un terme à mes desseins et à mes songes. La chaleur nous accablait, le vaisseau, dans un calme plat, sans voile et trop chargé de ses mâts, était tourmenté du roulis. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je me voulus baigner, et quoique nous n'eussions point de chaloupe dehors, je me jetai du beaupré à la mer. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageais sans regarder le vaisseau, mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'entraînait déjà loin. Les matelots, alarmés, avaient filé un grelin aux autres nageurs. Des requins se montraient dans les eaux du navire et on leur tirait des coups de fusil pour les écarter. La houle était si grosse qu'elle retardait mon retour en épuisant mes forces. J'avais un gouffre au-dessous de moi et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un palan, et cela prenait un temps considérable. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Le vaisseau, gouvernant un peu, s'approcha de moi. Je ne pus m'emparer de la corde, mais les compagnons de ma témérité s'étaient accrochés à cette corde, et quand on nous tira au flanc du bâtiment, me trouvant à l'extrémité de la file, ils pesaient sur moi de tout leur poids. On nous repêcha ainsi, un à un, ce qui fut long. Les roulis continuaient, à chacun de ces roulis en sens opposé, nous plongeons de 6 ou 7 pieds dans la vague, où nous étions suspendus en l'air un même nombre de pieds, comme des poissons au bout d'une ligne. À la dernière immersion, je me sentis prêt à m'évanouir, un roulis de plus, et c'en était fait. On me hissa sur le pont à demi-mort, Si je m'étais noyé, le bon débarras pour moi et pour les autres. » 2 jours après cet accident, nous aperçûmes la terre. Le cœur me battit quand le capitaine me la montra. L'Amérique. Elle était à peine déclinée par la cime de quelques érables sortant de l'eau. Les palmiers de l'embouchure du Nil m'indiquèrent depuis le rivage de l'Égypte de la même manière. Un pilote vint à bord, nous entrâmes dans la baie de Chesapeake. Le soir même, on envoya une chaloupe chercher des vivres frais, je me joignis au parti et bientôt je foulais le sol américain. Promenant mes regards autour de moi, je demeurai quelques instants immobile. Ce continent, peut-être ignoré pendant la durée des temps anciens et un grand nombre de siècles modernes, les premières destinées sauvages de ce continent et ses secondes destinées depuis l'arrivée de Christophe Colomb, la domination des monarchies de l'Europe ébranlée dans ce nouveau monde, la vieille société finissant dans la jeune Amérique, une république d'un genre inconnu annonçant un changement dans l'esprit humain, la part que mon pays avait eue à ces événements, ses mers et ses rivages devant en partie leur indépendance au pavillon et au sang français, un grand homme sortant du milieu des discordes et des déserts, Washington habitant une ville florissante dans le même lieu où Guillaume Penn avait acheté un coin de forêt. Les États-Unis renvoyant à la France la révolution que la France avait soutenue de ses armes. Enfin, mes propres destins, ma muse vierge que je venais livrer à la passion d'une nouvelle nature, les découvertes que je voulais tenter dans ces déserts, lesquels étendaient encore leur large royaume derrière l'étroit empire d'une civilisation étrangère. Telles étaient les choses qui roulaient dans mon esprit. Nous nous avançâmes vers une habitation, des bois de baumiers et de cèdres de la Virginie, des oiseaux moqueurs et des cardinaux, annonçaient par leur port et leur ombre, par leur chant et leur couleur, un autre climat. La maison où nous arrivâmes, au bout d'une demi-heure, tenait de la ferme d'un Anglais et de la case d'un Créole. Des troupeaux de vaches européennes pâturaient des herbages entourés de claires-voies, dans lesquels se jouaient des écureuils à peau rayée. Des noirs sciaient des pièces de bois, des blancs cultivaient des plants de tabac. Une négresse de 13 à 14 ans, presque nue et d'une beauté singulière, nous ouvrit la barrière de l'enclos comme une jeune nuit. Nous achetâmes des gâteaux de maïs, des poules, des œufs, du lait, et nous retournâmes au bâtiment avec nos dames Jeanne et nos paniers. Je donnai mon mouchoir de soie à la petite africaine. Ce fut une esclave qui me reçut sur la terre de la liberté. On désancra pour gagner la rade et le port de Baltimore. En approchant, les eaux se rétrécirent. Elles étaient lisses et immobiles. Nous avions l'air de remonter un fleuve indolent bordé d'avenues. Baltimore s'offrit à nous comme au fond d'un lac. En regard de la ville s'élevait une colline boisée, au pied de laquelle on commençait à bâtir. Nous amarrâmes au quai du port. Je dormis à bord et n'atterris que le lendemain. J'allai loger à l'auberge avec mes bagages. Les séminaristes se retirèrent à l'établissement préparé pour eux, d'où ils se sont dispersés en Amérique. Qu'est devenu Francis Tulloch ? La lettre suivante m'a été remise à Londres, le 12 du mois d'avril 1822. 30 ans s'étant écoulés, mon très cher vicomte, depuis l'époque de notre voyage à Baltimore, il est très possible que vous ayez oublié jusqu'à mon nom. Mais à juger d'après les sentiments de mon cœur, qui vous a toujours été vrai et loyal, ce n'est pas ainsi, et je me flatte que vous ne seriez pas fâché de me revoir. Presque en face l'un de l'autre, comme vous verrez par la date de cette lettre, je ne sens que trop bien que bien des choses nous séparent. Mais témoignez le moindre désir de me voir, et je m'empresserai de vous prouver, autant qu'il me sera possible, que je suis toujours, comme j'ai toujours été, votre fidèle et dévoué Francis Tulloch. Post-scriptum. Le rang distingué que vous vous êtes acquis et que vous méritez par tant de titres m'est devant les yeux. Mais le souvenir du chevalier de Chateaubriand m'est si cher que je ne puis vous écrire, au moins cette fois-ci, comme ambassadeur, etc., etc. Ainsi pardonnez le style en faveur de notre ancienne alliance. Vendredi 12 avril, Portland Place, numéro 30. Ainsi Tulloch était à Londres. Il ne s'est point fait prêtre, il s'est marié. Son roman est fini comme le mien. Cette lettre dépose en faveur de la véracité de mes mémoires et de la fidélité de mes souvenirs. qui aurait rendu témoignage d'une alliance et d'une amitié formées il y a 30 ans sur les flots, si la partie contractante ne fût survenue? Et quelle perspective morne et rétrograde me déroule cette lettre? Tulloch se retrouvait en 1822 dans la même ville que moi, dans la même rue que moi. La porte de sa maison était en face de la mienne, ainsi que nous nous étions rencontrés dans le même vaisseau, sur le même tillac, cabine vis-à-vis cabine. Combien d'autres amis je ne rencontrerai plus. L'homme, chaque soir, en se couchant, peut compter ses pertes. Il n'y a que ses ans qui ne le quittent point, bien qu'il passe. Lorsqu'il en fait la revue et qu'il les nomme, ils répondent « présent ». Aucun ne manque à l'appel. Baltimore, comme toutes les autres métropoles des États-Unis, n'avait pas l'étendue qu'elle a maintenant. C'était une jolie petite ville catholique, propre, animée, où les mœurs et la société avaient une grande affinité avec les mœurs et la société de l'Europe. Je payais mon passage au capitaine et lui donnais un dîner d'adieu. J'arrêtai ma place au stagecoach qui faisait 3 fois la semaine le voyage de Pennsylvanie. À 4 heures du matin, j'y montais et me voilà roulant sur les chemins du Nouveau Monde. La route que nous parcourûmes, plutôt tracée que faite, traversait un pays assez plat, presque point d'arbres, fermes éparses, villages clairsemés, climat de la France, hirondelles volant sur les eaux comme sur l'étang de Combourg. En approchant de Philadelphie, nous rencontrâmes des paysans allant au marché, des voitures publiques et des voitures particulières. Philadelphie me parut une belle ville, les rues larges, quelques-unes plantées, se coupant à angle droit dans un ordre régulier du nord au sud et de l'est à l'ouest. La Delaware coule parallèlement à la rue qui suit son bord occidental. Cette rivière serait considérable en Europe. On n'en parle pas en Amérique. Ses rives sont basses et peu pittoresques. À l'époque de mon voyage, 1791, Philadelphie ne s'étendait pas encore jusqu'à la Schuylkill. Le terrain, en avançant vers cet affluent, était divisé par l'eau, sur lesquelles on construisait çà et là des maisons. L'aspect de Philadelphie est monotone. En général, ce qui manque aux cités protestantes des États-Unis, ce sont les grandes œuvres de l'architecture. La Réformation, jeune d'âge, qui ne sacrifie point à l'imagination, a rarement élevé ses dômes, ses nefs aériennes, ses tours jumelles, dont l'antique religion catholique a couronné l'Europe. Aucun monument à Philadelphie, à New York, à Boston, une pyramide au-dessus de la masse des murs et des toits, l'œil est attristé de ce niveau. Descendu d'abord à l'auberge, je pris ensuite un appartement dans une pension où logeaient des colons de Saint-Domingue et des Français émigrés avec d'autres idées que les miennes. Une terre de liberté offrait un asile à ceux qui fuyaient la liberté. Rien ne prouve mieux le haut prix des institutions généreuses que cet exil volontaire des partisans du pouvoir absolu dans une pure démocratie. Un homme, débarqué comme moi aux États-Unis, plein d'enthousiasme pour les peuples classiques, un colon qui cherchait partout la rigidité des premières mœurs romaines, dut être fort scandalisé de trouver partout le luxe des équipages, la frivolité des conversations, l'inégalité des fortunes, l'immoralité des maisons de banque et de jeux, le bruit des salles de bal et de spectacles. À Philadelphie, j'aurais pu me croire à Liverpool ou à Bristol. L'apparence du peuple était agréable, les caqueresses, avec leurs robes grises, leurs petits chapeaux uniformes et leurs visages pâles, paraissaient belles. À cette heure de ma vie, j'admirais beaucoup les républiques, bien que je ne les crusse pas possibles à l'époque du monde où nous étions parvenus. Je connaissais la liberté à la manière des anciens, la liberté fille des mœurs dans une société naissante. Mais j'ignorais la liberté fille des Lumières et d'une vieille civilisation. Liberté dont la République représentative a prouvé la réalité. Dieu veuille qu'elle soit durable. On n'est plus obligé de labourer soi-même son petit champ, de maugréer les arts et les sciences, d'avoir des ongles crochus et la barbe sale pour être libre. Lorsque j'arrivai à Philadelphie, le général Washington n'y était pas. Je fus obligé de l'attendre 8 jours. Je le vis passer dans une voiture que tiraient 4 chevaux fringants conduits à grande guide. Washington, d'après mes idées d'alors, était nécessairement Cincinnatus. Cincinnatus, en carrosse, dérangeait un peu ma république de l'an de Rome de 196. le dictateur Washington pouvait-il être autre qu'un rustre, piquant ses bœufs de l'aiguillon et tenant le manche de sa charrue. Mais quand j'allais lui porter ma lettre de recommandation, je retrouvais la simplicité du vieux Romain. Une petite maison, ressemblante aux maisons voisines, était le palais du président des États-Unis. Note. Washington avait été nommé en 1789 président de la République pour 4 ans. Réélu en 1793, il résigna le pouvoir en 1797. Fin de note. Point de garde, pas même de valet. Je frappai, une jeune servante ouvrit. Je lui demandai si le général était chez lui. Elle me répondit qu'il y était. Je répliquai que j'avais une lettre à lui remettre. La servante me demanda mon nom, difficile à prononcer en anglais et qu'elle ne put retenir. Elle me dit alors doucement « Walk in, sir, entrez, monsieur ». Et elle marcha devant moi dans un de ces étroits corridors qui servent de vestibule aux maisons anglaises. Elle m'introduisit dans un parloir où elle me pria d'attendre le général. Je n'étais pas ému. La grandeur de l'âme ou celle de la fortune ne m'impose point. J'admire la première sans en être écrasé. La seconde m'inspire plus de pitié que de respect. Visage d'homme ne me troublera jamais. Au bout de quelques minutes, le général entra. D'une grande taille, d'un air calme et froid plutôt que noble, il est ressemblant dans ses gravures. Je lui présentai ma lettre en silence. Il l'ouvrit, courut à la signature qu'il lut tout haut avec exclamation. « Le colonel Armand ! C'est ainsi qu'il l'appelait et qu'avait signé le marquis de la Rouërie. » Nous nous assîmes, je lui expliquai tant bien que mal le motif de mon voyage. Il me répondait par monosyllabes anglaises et français et m'écoutait avec une sorte d'étonnement. Je m'en aperçus et je lui dis, avec un peu de vivacité, « Mais il est moins difficile de découvrir le passage du Nord-Ouest que de créer un peuple, comme vous l'avez fait. « Well, well, young man !»« Bien, bien, jeune homme » s'écria-t-il en me tendant la main. Il m'invita à dîner pour le jour suivant et nous nous quittâmes. Je n'eus garde de manquer au rendez-vous. Nous n'étions que 5 ou 6 convives. La conversation roula sur la Révolution française. Le général nous montra une clé de la Bastille. Ces clés, je l'ai déjà remarqué, étaient des jouets assez niais qu'on se distribuait alors. Les expéditionnaires en serrurerie auraient pu, 3 ans plus tard, envoyer au président des États-Unis le verrou de la prison du monarque qui donna la liberté à la France et à l'Amérique. Si Washington avait vu dans les ruisseaux de Paris les vainqueurs de la Bastille, il aurait moins respecté sa relique. Le sérieux et la force de la Révolution ne venaient pas de ces orgies sanglantes. Lors de la Révolution de l'Édit de Nantes, en 1685, la même populace du faubourg Saint-Antoine démolit le temple protestant à Charenton, avec autant de zèle qu'elle dévasta l'église de Saint-Denis en 1793. Je quittai mon hôte à 10 heures du soir et ne l'ai jamais revu. Il partit le lendemain et je continuai mon voyage. Telle fut ma rencontre avec le soldat citoyen libérateur d'un monde. Washington est descendu dans la tombe avant qu'un peu de bruit se soit attaché à mes pas. J'ai passé devant lui comme l'être le plus inconnu. Il était dans tout son éclat, moi dans toute mon obscurité. Mon nom n'est peut-être pas demeuré un jour entier dans sa mémoire. Heureux pourtant que ses regards soient tombés sur moi. Je m'en suis senti échauffé le reste de ma vie. Il y a une vertu dans les regards d'un grand homme. Bonaparte achève à peine de mourir. Puisque je viens de heurter à la porte de Washington, le parallèle entre le fondateur des États-Unis et l'empereur des Français se présente naturellement à mon esprit. D'autant mieux qu'au moment où je trace ces lignes, Washington lui-même n'est plus. Ercilia, chantant et bataillant dans le Chili, s'arrête au milieu de son voyage pour raconter la mort de Didon. Moi, je m'arrête au début de ma course dans la Pennsylvanie pour comparer Washington à Bonaparte. J'aurais pu ne m'occuper d'eux qu'à l'époque où je rencontrais Napoléon. Mais si je venais à toucher ma tombe avant d'avoir atteint dans ma chronique l'année 1814, on ne saurait donc rien de ce que j'aurais à dire des 2 mandataires de la Providence. Je me souviens de Castelnau. Ambassadeur comme moi en Angleterre, il écrivait comme moi une partie de sa vie à Londres. À la dernière page du livre 7e, il dit à son fils « Je traiterai de ce fait au 8e livre ». et le huitième livre des Mémoires de Castelnau n'existe pas. Cela m'avertit de profiter de la vie. Washington n'appartient pas, comme Bonaparte, à cette race qui dépasse la stature humaine. Rien d'étonnant ne s'attache à sa personne, il n'est point placé sur un vaste théâtre, il n'est point aux prises avec les capitaines les plus habiles et les plus puissants monarques du temps. Il ne court point de Memphis à Vienne, de Cadix à Moscou. Il se défend avec une poignée de citoyens sur une terre sans célébrité, dans le cercle étroit des foyers domestiques. Il ne livre point de ces combats qui renouvellent les triomphes d'Arbel et de Pharsal. Il ne renverse point les trônes pour en recomposer d'autres avec leurs débris. Il ne fait point dire au roi à sa porte qu'ils se font trop attendre et qu'Attila s'ennuie. Quelque chose de silencieux enveloppe les actions de Washington. Il agit avec lenteur. On dirait qu'il se sent chargé de la liberté de l'avenir et qu'il craint de la compromettre. Ce ne sont pas ses destinées que porte ce héros d'une nouvelle espèce. Ce sont celles de son pays. Il ne se permet pas de jouer ce qui ne lui appartient pas. Mais de cette profonde humilité, quelle lumière va jaillir ? Cherchez les bois où brilla l'épée de Washington. Qui trouvez-vous ? Des tombeaux ? Non, un monde. Washington a laissé les États-Unis pour trophée sur son champ de bataille. Bonaparte n'a aucun trait de ce grave américain. Il combat avec fracas sur une vieille terre. Il ne veut créer que sa renommée. Il ne se charge que de son propre sort. Il semble savoir que sa mission sera courte, que le torrent qui descend de si haut s'écoulera vite. Il se hâte de jouir et d'abuser de sa gloire, comme d'une jeunesse fugitive. À l'instar des dieux d'Homère, il veut arriver en quatre pas au bout du monde. Il paraît sur tous les rivages, il inscrit précipitamment son nom dans les fastes de tous les peuples. Il jette des couronnes à sa famille et à ses soldats. Il se dépêche dans ses monuments, dans ses lois, dans ses victoires. Penché sur le monde, d'une main il terrasse les rois, de l'autre il abat le géant révolutionnaire. Mais en écrasant l'anarchie, il étouffe la liberté et finit par perdre la sienne sur son dernier champ de bataille. Chacun est récompensé selon ses œuvres. Washington élève une nation à l'indépendance. Magistrat en repos, il s'endort sous son toit au milieu des regrets de ses compatriotes et de la vénération des peuples. Bonaparte ravit à une nation son indépendance. Empereur déchu, il est précipité dans l'exil, où la frayeur de la terre ne le croit pas encore assez emprisonné sous la garde de l'océan. Il expire. Cette nouvelle, publiée à la porte du palais devant laquelle le conquérant fit proclamer tant de funérailles, n'arrête ni n'étonne le passant. Qu'avaient à pleurer les citoyens ? La République de Washington subsiste. L'empire de Bonaparte est détruit. Washington et Bonaparte sortirent du sein de la démocratie. Nés tous deux de la liberté, le premier lui fut fidèle, le second l'a trahi. Washington a été le représentant des besoins, des idées, des lumières, des opinions de son époque. Il a secondé, au lieu de le contrarier, le mouvement des esprits. Il a voulu ce qu'il devait vouloir, la chose même à laquelle il était appelé. De là la cohérence et la perpétuité de son ouvrage. Cet homme qui frappe peu, parce qu'il est dans des proportions justes, a confondu son existence avec celle de son pays. Sa gloire est le patrimoine de la civilisation. Sa renommée s'élève comme un de ces sanctuaires publics où coule une source féconde et intarissable. Bonaparte pouvait enrichir également le domaine commun. Il agissait sur la nation la plus intelligente, la plus brave, la plus brillante de la terre. Quel serait aujourd'hui le rang occupé par lui s'il eût joint la magnanimité à ce qu'il avait d'héroïque ? Si, Washington et Bonaparte à la fois, il eût nommé la liberté légataire universelle de sa gloire. Mais ce géant ne liait point ses destinées à celles de ses contemporains. Son génie appartenait à l'âge moderne. Son ambition était des vieux jours. Il ne s'aperçut pas que les miracles de sa vie excédaient la valeur d'un diadème et que cet ornement gothique lui sciait mal. Tantôt, il se précipitait sur l'avenir, tantôt il reculait vers le passé, et soit qu'il remontât ou suivît le cours du temps, par sa force prodigieuse, il entraînait ou repoussait les flots. Les hommes ne furent à ses yeux qu'un moyen de puissance. Aucune sympathie ne s'établit entre leur bonheur et le sien. Il avait promis de les délivrer, il les enchaîna. Il s'isola d'eux, ils s'éloignèrent de lui. Les rois d'Égypte plaçaient leurs pyramides funèbres, non parmi des campagnes florissantes, mais au milieu des sables stériles. Ces grands tombeaux s'élèvent comme l'éternité dans la solitude. Bonaparte a bâti à leur image le monument de sa renommée. Fin de la section 16.